wabariki kila ndugu na kila dada. Eh, comme annoncé. Paka vile tulitangaza. Notre bien-aimé Sam est là. Ndugu yetu mpendwa Sam yehuyu. C'est après une séparation, je crois, de plus ou moins 4 ans, hein? Oui. Nikisha kuachana kadiri miaka 4. Le dernier dimanche qu'il prêchait, c'était lors du mariage de frère Jonas et da Damasi. Ah, siku ya yenga ya mwisho ya ubiri ni ya ndoa ya ndugu Jonas. Êtes-vous dans la joie de le recevoir et de le saluer chaleureusement au nom de Jésus-Christ? Mujina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. L'église a soif. Kanisa iko na kiu. Nous vous invitons. Tuna mialika. Merci beaucoup. Santé. Je salue l'église ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na salimia kanisa mangaribi ya leo mujina ya Bwana Yesu Kristo. Remarquez quand je salue l'église. Tazamini wakati mina salimia kanisa. Ce ne sont pas les murs là qui ont répondu. Aina ikibumbashi ile najibu hapana. Mais c'est vous qui avez répondu. Ni mwe njo mnajibu. Donc l'église, ce n'est pas les beaux bâtiments que je vois là. Manake kanisa haina nyumba mzuri mimi naona. Mais l'église, ce sont les gens qui viennent se rassembler dans ces bâtiments. Kanisa ni bantu bale banako kusanika mu hii nyumba. C'est pourquoi ce soir, je parlerai avec vous de l'église du Dieu vivant. Jokombana mangaribi ya leo nitasema na mweye kuhusu kanisa ya Mungu aliye hai. Faut que nous comprenions selon Dieu, c'est quoi l'église? Tunapashi kuelewa kufuatana na Mungu kanisa ni nini? C'est très important. Ni amafa kabisa. Vraiment, je suis très content de voir Akika niko katika furaha kuona le progrès dans l'œuvre de Dieu ici. Maendeleo mukazi ya Mungu hapa. Ça montre qu'il y a du sérieux. Inaonesha sema munabeba vitu na roho yote. Et ça montre que Dieu est à l'œuvre. Na binaonesha kwamba Mungu yuko mukazi. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu amibariki mwe bote. Parce que je sais que chacun a contribué quelque chose. Na wazia kila mmoja alisaidia kuna kitu fulani. Pour que nous soyons dans cet état ici. Dieu tupate kwa muhii ali tu kwa mleo. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mungu afanyeke bitu kwa kubatisha hapana. Dieu fait toutes choses conformément à son plan. Mungu anafanya bitu byote kufatana na mapu yake. Et l'œuvre de Dieu doit toujours prospérer. Na kazi ya Mungu inapashi paka kuendelea. Quand on lisait dans 1 Corinthiens 15, 58, il est dit, tukisoma mwa Korinto wa kwanza, moja, makumi tano, ainsi, mes frères bien-aimés, ivi, banduku bapendwa, soyez fermes, muwe na imara, inébranlables, bila kutenka, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Benye kutumika mzuri kwa mzuri ku kazi ya Mungu. Sachant que votre travail, benye kujua sema kazi yenu, ne sera pas vain dans le Seigneur. Aita kwa yabule mbele ya Bwana. Tout ce que vous faites pour Dieu, il y aura une récompense. Byote bilu kumunafanya juu ya Mungu kuku malipo. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11. Biblia nasema mwa Hebrania 11. Hébreux chapitre 11. Wa Hebrania 11. Il est écrit banaandika au verset Hébreux chapitre 11. Wa Hebrania sura 11. Je vais lire Tasoma. Verset 6. Mustari ya sita. Or, sans la foi, japo bila imani, il est impossible de lui être agréable. Haiwezekani kumupendeza. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu inapashi ula na mukaribia Mungu croit que Dieu existe. Amini ya kwamba Mungu eko ako. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na Mungu njo wa kulipa bale beko na mutafuta. Frère, nduku, dans le monde de Dieu, il n'y a pas de travail bénévole. Mu mambo ya Mungu amwikalake kazi asipo kulipiwa. C'est dans le monde qu'il y a des travaux bénévoles. Ni mudunia njo munegala kazi asipo kulipa. Dans le monde de Dieu, le travail bénévole n'existe pas. Mu falme ya Mungu amwikalake kazi asipo kulipa. Dans le monde de Dieu, tout ce que vous faites, Dieu vous paiera. Mufano mwa Mungu, byote bile munafanya Mungu atamilipa. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yenjo wa kulipa bale beko na mutafuta. Même quand vous chantez là, ata wakati Mungu naimba pale, Dieu vous paiera. Mungu atamilipa. Même quand vous dites amen, Dieu vous paiera. Ata pale unasema amina, Mungu atakulipa. Même vous qui venez balayer ce temple, Dieu vous paiera. Atamwe bale munakuyaka kufuakia muie kalu, Mungu atamilipa. Il n'existe pas de travail bénévole dans le royaume de Dieu. Et Dieu, quand vous faites quelque chose pour lui, attendez-vous un salaire. Dieu n'est pas injuste. Si vous lisez dans Hébreux 6, 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car, je lirai jusqu'au verset 12. Je vais commencer à 9. Hébreux 6, 9 à 12. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Bitu bizuri na bia kupendeze bia kustahili kuokofu. Car kwani Dieu n'est pas injuste. Mungu ana muzalimu. Pour oublier votre travail. Ju apate kusabu kaji yenu. Ce sont les patrons de ce monde. Ni ba patron ba mui dunia. Tu lui rends très bon service, à la fin du mois il refuse de te payer. Unamtumikia tu mzuri kumwisha ya mwezi anakatala kulipa. Mais notre Dieu est le patron par excellence. Alakini Mungu wetu ndio patron mwa mzuri sana kushindia mote. Et Abraham disait, ndugu Branham alikuwa anasema, Dieu ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Mungu hawezi kubakia kamwe na deni ya mtu. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, Dieu vous récompensera. C'est pourquoi ne vous découragez jamais. Écoutez, car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu benye kutenda et rendant encore des services au saint. Nous désirons, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Il ne faut pas dire j'ai beaucoup fait, en tout cas que les autres fassent aussi. Ce que tu avais fait l'année passée, cette année fait plus que l'année passée. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Kila mmoja apate kuonesha bidii moya moya juu ya kuchunga kufika na kumwisho utele ya matumaini. Écoutez s'il vous plaît. Musikie mimi na msi. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Munamna kusema mushiachirie kamwe. Parce que la Bible dit celui qui se relâche dans son œuvre est frère de celui qui détruit. Na Biblia anasema ule uko naachiria mkazi yake anafanana na ule uko napomona. Et toujours dans Proverbe la Bible dit si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Biblia inasema ukilekea musiku ya ole yako basi kwako itakuwa ya ole. Tout ce que tu avais fait là-bas. Bile bien tulifanyaka kule. Comme cet ouvrage n'est pas encore achevé. Savi kazi ya majengo ya malizika. Si tu faiblis. Kama ukilekea au jour de la détresse. Mushiku ya we mateso. Ta force n'est que détresse. C'est que tout ce que tu avais fait avant là-bas, c'est n'est que détresse. Nguvu yako yote itakuwa ni paka mateso bule. C'est pourquoi persévérer jusqu'à la fin. Joko mana mudumu kufika na kumwisho. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes au service du seul vrai Dieu. Frère, le Seigneur Jésus-Christ, Banduku, Bwana Yesu Kristo, c'est le seul vrai Dieu qui existe. Ye peke yake ndio Mungu wa kweli ule yuko hapo. Celui qu'Abraham avait rencontré là, ule Abraham alikutanishanaka naye, c'est celui que nous appelons Seigneur Jésus-Christ. Jo ule tukunaita Bwana Yesu Kristo. Dieu n'a jamais changé. Mungu ashia badilikaka kamwe. Les dispensations changent. Manyakati kuna badilika. Mais Dieu demeure le même. Alakini Mungu yuko nabakia moyo mmoja. Il dit je suis l'Éternel, je ne change pas. Anasema niku Yehova mishi badilike kamwe. Et la Bible dit dans Psaume 90 d'éternité en éternité tu es Dieu. Biblia anasema Mzaburi 90 wakomba milele na milele uko Mungu. Et quand il est venu dans ce corps de chair. Wakati alikuwa mwili. Il dit anasema Abraham votre père. Abraham baba yenu. A tressailli de joie. Alifurahi de ce qu'il lui verrai mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs le regardent avec un regard théologique. Il dit, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, Abraham, c'est de l'histoire. Moi, je suis l'actualité. Même ce soir, c'est Jésus qui est l'actualité. C'est de lui que nous parlons ce soir. Et je vous dis, frère, si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. De la Genèse, chapitre 1, verset 1, où il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jusqu'à Apocalypse 22, verset 21, où il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Dès la Genèse 1, Apocalypse 22, 21, il est question de Jésus. Si vous ouvrez cette Bible, vous ne voyez pas Jésus. Vous avez mal lu. Et Frère Branham dit, prenez les lunettes de Dieu. Revenez. Et vous trouverez Jésus là-bas. Les tonneristes pensent que les lunettes de Dieu, ce sont les brochures. Non, Frère Branham dit, les lunettes de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Puisque quand Frère Branham disait, prenez les lunettes de Dieu, les brochures n'existaient pas. Mais le Saint-Esprit était là. Même aujourd'hui, frère, c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole. Malgré que nous prêchons la parole révélé, mais pour la comprendre, le Saint-Esprit doit vous la révéler. C'est la vérité, frère. Si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus. Vous avez mal lu. Et quand vous prenez les lunettes de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous trouverez Jésus là-bas. C'est pourquoi il a dit lui-même. Branham était un prophète biblique. Il était un prophète biblique. Il dit, anasema, si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Et Jésus a dit, dans Jean 5:39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est quoi? Si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus. Vous avez mal lu. Parce que Jésus lui-même a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça, c'est Jésus. Paul, l'apôtre des païens, il vient. Il dit dans Hébreux 17. Hébreux chapitre 10, verset 7. Il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Enfin, regardez le rouleau du livre. Donc, quand vous ouvrez ce rouleau ici, là-dedans, il est question de Jésus-Christ. Je vous dis ce soir, sans Jésus-Christ, la Bible devient comme n'importe quel livre. Ce qui donne de la valeur à la Bible, c'est la présence de Jésus-Christ. Même l'église que nous sommes, ce qui nous donne la valeur, c'est Jésus-Christ. Même toi dans ta vie, ce qui fait que tu aies de la valeur, c'est Christ dans toi, l'espérance de la gloire. C'est la vérité, frère. Jésus est le cœur de l'histoire du salut. Tous les saints de l'Ancien Testament ont compté sur Jésus-Christ. Le jour la chute a eu lieu. Le diable s'était réjoui. Sachant que ça n'est fini pour l'homme. Mais Dieu descend. Au temps du soir. Il dit la semence de la femme. Écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi quand Adam et sa femme sortaient de l'Éden. Ils sont joyeux parce qu'ils savaient que quand Christ viendra et qu'il paiera les prix, nous retournerons en Éden. C'est la vérité, frère. Et dans tout l'Ancien Testament, les saints qui venaient là-bas, les patriarches, les prophètes, ont compté sur la venue du Rédempteur. Tous. Ils ont compté sur cette venue là-bas. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous comptons sur la seconde venue du Rédempteur. De la même manière, dans l'Ancien Testament, ils ont compté sur lui. Et il est venu dans le Nouveau Testament. Nous comptons sur lui. Et il viendra. C'est la vérité. C'est pourquoi il a dit le 11 juin 1933. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie. Tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Seigneur. Branham est parti. Branham alienda. Mais le message est là. Alakini ujumbe na bakia. Branham n'est jamais arrivé à Kambov. Il ne connaissait même pas Kambov. Branham achi afika kam Kambov achidu atam Kambov. Branham ne vous connaissait pas. Nduku. Branham achimijue. Mais le Dieu de Branham vous a connu avant la fondation. Alakini Mungu wa Branham arimijua tangia misingi ya dunia. C'est pourquoi nous ne prêchons pas Branham. Kwa maana atumuhubiri Branham apana. Nous ne prêchons même pas les frères Franck. Atumuhubiri atanduku Franck apana. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ni Yesu Kristo ndio ule tukunahubiri. C'est ça la vérité, frère. C'est lui le cœur de l'histoire du salut. Et il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il a encore ajouté, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Je vous dis ce soir, Jésus est là. Comme Jésus est là, si tu es malade, sois guéri. Comme Jésus est présent, si tu as un problème, reçois la solution de comme Dieu. Comme Jésus est présent, si tu es délivré, sois délivré de Dieu. C'est la vérité, frère. Veuillez vous lever, sinon on risque de terminer comme ça sans lire. Nous parlons de Dieu vivant. Écoutez, musikie, nous lisons 1 Timothée, tusome Timothée wa kwanza, chapitre 3, verset 14 à 15. Sura ya tatu, tatu, mina, tano. 1 Timothée 3, 14 à 15. Timothée wa kwanza, tatu, il est écrit. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne guzo et l'appui de la vérité. Na tegemeo ya ukweli. La maison de Dieu, nyumba ya Mungu, c'est l'église du Dieu vivant. Ni kanisa ya Mungu aliye hai. La colonne guzo et l'appui de la vérité. Na tegemeo ya ukweli. Maintenant, je demande au sein de Kambov. Sasa mina uliza kubatakatifu ya Kambov. Entre vous katikati yenu et ces bâtiments nai ki nyumba qui appuie la vérité ni nani tegemeo ya ukweli C'est vous ou bien c'est le bâtiment? Ni moi ya ou ni qui kinyumba. Maintenant, l'église du Dieu vivant, ça, c'est ce bâtiment ou bien c'est vous? Ça, kanisa ya mungu ali yaï, ni qui kinyumba ou ala ni moi ya. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Venez vous asseoir. Mouikale. Parlons de l'église du Dieu vivant. Neno la mungu ali yaï. Il faut comprendre une chose, frère. Il n'a pas choué le wa kitri mo anduku. Dans le plan du salut, Mumapu ya okovu. Il n'y a que deux groupes sur la terre qui sont concernés par les promesses de Dieu. Kukupaka makundi mbili njo yenye kuelekea malako ya Mungu. Israël, Israeli et l'église. Na kanisa ya Mungu. Israël dans le naturel, Israeli mwasili, l'église dans le spirituel. Na kanisa mukiro. Et celui qui fut le Dieu d'Israël, pula alikuwa Mungu wa Israeli, est devenu notre Dieu en Jésus-Christ. Anakuwa Mungu wetu ndani ya Yesu Kristo. Je vous dis ce soir, la plus grande révélation ufunuo mkubwa sana qui existe, il est kwako, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ni Mungu wa Bwana Yesu Kristo. C'est la plus glorieuse de toutes les révélations. Joya mafa sana kuma ufunuo yote. Et celle-là, quand vous la connaissez, vous êtes heureux. Kama unayua ile ufunuo wa heri. C'est vrai. Dans Matthieu 16, à partir du verset 13 à 18, Matthieu 16, 13, 18, un jour le Seigneur avait posé la question de savoir, si comment Bwana Yesu aliulizaka, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Muku nasema niku nani mimi mtoto wa mtu? Les uns disent que tu es Jérémie. Pamoja wanasema ku Yeremia. Ésaïe. Isaïa. Ou l'un des prophètes. Wala mmoja wa manabii. C'est bien de parler des autres. Ni mzuri kutaya wengine. Et vous? Sasa mweye. Qui dites-vous que je suis? Mweye muku nasema niku nani? Personne n'avait la réponse. Hakuna tama ule alikuwa na jibu. Jusqu'à ce que la révélation est venue du ciel. Kufika na pale ufunuo ilitoka kumbi. Elle est venue chez Pierre. Ikakuia Petro. Et Pierre a dit tu es le Christ. Petro akasema Christo, le fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu aliye hai. Alors Jésus lui dit, basi Yesu akamwambia, tu es heureux Simon fils de Jonas. Ukuwaheri wewe Simon mwana wa Yona. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ju haina mwili na damu ile inakufunulia. Mais c'est mon père qui est dans les cieux. Lakini ni baba yangu wa kumbingu. La révélation ne vient pas d'un homme. Manake ufunuo itokeka kwa mtu. La révélation vient du père lui-même. Ufunuo inatokeka kwa baba yeye mwenyewe. C'est Dieu lui-même qui est le révélateur. Ni Mungu yeye mwenyewe ndiye kunafunua. Même le frère Branham n'a rien révélé. Atandu ku Branham. Amos 3:7 était clair. Amos 3:7 était clair. Car le Seigneur, l'Éternel, wamilele, ne fait rien afanyake kitu sans avoir révélé son secret bila kufunua à ses serviteurs les prophètes. Siri yake kwa mtumishi wake nabii. Ce n'est pas les prophètes qui révèlent. Manake, aina nabii ule c'est Dieu qui révèle aux prophètes. Ni Mungu nje kuna mfunulia nabii. De l'Ancien au Nouveau Testament, tangia kwa agano la kale kufika na kwa agano jipya, un seul a révélé la parole. Mmoja tu ndio alifunua neno la Mungu. Un seul continue de révéler. Mmoja te ndio kunaendelea na kufunua. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. C'est pourquoi quand vous connaissez le vrai Dieu, je kwa maana kama unamjua Mungu wa kweli, vous êtes heureux. Manake huko waheri. Je vous dis ce soir, vous êtes heureux. Naniambia mangaribi ya leo, Mungu waheri. Parce que akambove vous connaissez le vrai Dieu. Je mukambove mnamjua Mungu wa kweli. Moi je connais le nom du vrai Dieu. Mimi najua Mungu jina la vrai Dieu s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Mungu wa kweli jina lake ni Bwana Yesu Kristo. C'est lui le Dieu vivant. Ye ndio Mungu mzima. Et c'est lui le propriétaire de l'église. Na ye ndio mwenye kanisa. On l'appelle ou on nous appelle? Bana tuita wala bana muita l'église du Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. Ce bâtiment iki nyumba s'appelle Kambov Tabernacle. Manakita sema kanisa ya Mukambov. Ce bâtiment là, iki kanisa iki nyumba s'appelle Kambov Tabernacle. Manakita sema ni kanisa ya Mukambov. Vous ne vous appelez pas Kambov Tabernacle. Moi ya bamita sema kanisa Mukambov. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Moi ya muku kanisa ya Mungu aliye hai. C'est-à-dire l'église du Dieu vivant se rassemble dans Kambov Tabernacle. Manake kanisa ya Mungu aliye hai inakusanyika mukanisa ya Mukambov. Qui comprend ça? Qui nani ula nabisikia mzuri? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est l'église du Dieu vivant qui se réunit à Kambov et Tabernacle. Ni kanisa ya Mungu aliye hai ndio inakusanyika mukanisa ya Mukambov. L'église du Dieu vivant se rassemble dans ses murs. Ni kanisa ya Mungu aliye hai ndio inakusanyika muiki. C'est pourquoi même votre vocabulaire doit changer. Kwa maana hata misemeo yenu inapaswa kubadilika. Quand vous venez ici, ne dites jamais je pars à l'église. Wakati unakuja hapa usiseme mimi naenda kanisa. Vous ne venez pas à l'église. Au kuyake kanisa. C'est l'église qui vient ici. Ni kanisa ndio kunakuja hapa. Qui comprend ça? Nani ula nabisikia mzuri? Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité, frère. Ni bia kweli nduku. Donc ne dites jamais quand tu es là-bas. Usiseme wakati uko pale. Aujourd'hui, hein? Oh, Léo. Il y a culte. Ah, kuku ibada. Je pars à l'église. Mimi naenda ku kanisa. Vous ne venez pas à l'église. Moi, ya mwende u kanisa. C'est l'église qui vient ici. Ni kanisa ndio kuna kuya hapa. Après la réunion, kisha mkusaniko. L'église partira. Kanisa taenda. Mais Kambove et Tabernacle resteront. Lakini kanisa ya Mukambove yo itabakia. Et ne pensez jamais. Mushiwazie kamwe. Que nous venons trouver Dieu dans ces bâtiments. Ya kwamba tukunakuwa kutanisha Mungu mwinyumba. C'est nous qui amenons Dieu dans ces bâtiments. Chinjo tukunamuleta Mungu mwinyumba. Si les musulmans se rassemblent dans ces bâtiments, Dieu ne sera pas là. Kama waislamu wanakusanyika mwinyumba, Mungu asitakuyamo. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas se rassembler en son nom. Dieu va te kusani comme jina lake. Mais si deux ou trois ba se rassemblent en mon nom, mana kusanyika mujina langu niko katikati yabo. C'est la parole. Ni neno la Mungu. Si les catholiques se rassemblent ici dans ces mêmes bâtiments. Kama ba catholique ba kusani kapa paka muiki yumba kimbola. Mungu asita kuyamo. Si les kimbangistes. Kama ba kimbangu. Se rassemblent dans ces mêmes bâtiments. Mana kusani kapa paka muiki yumba kimbola. Mungu asita kuyamo. Mais quand nous nous rassemblons. Alors wakati si tunakusanyika. Dieu est ici, frère. Mungu anapashi kuyapo. Chacun de nous dans son cœur. Kila mmoja wetu moyoni mwake. Il a une portion de la divinité. Eko na sehemu ya Mungu. C'est nous qui amenons Dieu ici. Shinjo tukunamuleta Mungu hapa. Quand nous partirons, Dieu partira avec nous. Wakati tutaenda, Mungu atenda pamoja nasi. Le jour de l'enlèvement. Siku ya kunyanyuliwa. Kambove tabernacle restera. Hii kanisa ya Mukambove itabakia. Mais l'église du Dieu vivant partira. Lakini kanisa ya Mungu aliye hai yo itaenda. C'est la vérité. Ni mambo ya kweli. Rien que la vérité. Paka tu ukweli. C'est pourquoi je veux que vous compreniez c'est quoi l'église de Dieu. Juka mana mimi napenda muelewe kanisa ya Mungu aliye hai ni nini. C'est très important. Ni amafa kabisa. Parce que nous sommes cette église. Ju tuko ile kanisa ile. Nous sommes la maison de Dieu. Tuko nyumba ya Mungu. La colonne et la puits de la vérité. Guzo na tegemeo ya ukweli. Vous n'avez pas vu que depuis le début vous êtes en train d'appuyer la vérité. Amona se tangia subui muku na tegemea ukweli. Mais Kambove tabernacle silencieux. Ah, lakini kanisa ya Mukambove inekala kimya. Kambove tabernacle ne dit rien. Kanisa ya Mukambove yo, mais l'église du Dieu vivant appuie la vérité. Ah, lakini kanisa ya Mungu aliye hai inatumainia pa ukweli. Votre vocabulaire doit changer. Misemeo yenu na pashu badilika. Quand venez ici. Wakati mnakuu yapa. Depuis jamais je pars à l'église. Usiseme mimi naenda kanisa. Je pars au tabernacle. Mimi naenda kuwekalu. C'est l'église qui vient au tabernacle. Ni kanisa ya Mungu joye kunakuwa kuwekalu. Changez de langage s'il vous plaît. Mubadilishe musemeo. Mina mimi. Mimi frère. Bapendo banduku. Même quand vous venez ici. Hata wakati mnakuja hapa. Dans le langage souvent. Mumisemeo kila wakati. Je prie à Kambove tabernacle. Mina ombeaka kukanisa Kambove. Chez le frère Ngoindai. Wanduku Ngoindai. Kambove tabernacle c'est pas chez le frère Ngoindai. Kanisa ya Kambove haina kwa nduku Ngoindai. C'est l'église du Dieu vivant qui est ici. Ni kanisa ya Mungu aliye hai. Je me réunis à l'église du Dieu vivant qui est à Kambove. Mina kusanikaka kukanisa ya Mungu aliye hai yenye kupatikana Mukambove. Quand vous venez ici, vous ne venez pas chez le frère Ngoindai. Vous venez chez Dieu. Wakati unakuya hapa, haukuye kwa nduku Ngoindai, unakuwa kwa Mungu. Le propriétaire de l'église, c'est Dieu. Mwenye kanisa ni Mungu. Il a dit sur ce roc. Anasema pa hii mwamba. Je bâtirai mon église. Mi Mungu tayenga po kanisa yangu. Mon église. Kanisa yangu mi Mungu. Celui qui est propriétaire. Yenjo mwenyenaye. Personne ne peut se lever ici aujourd'hui. Hakuna mtu atamu atalamuka leo hapa. Kama ingekuwa mie. Est-ce que cette église sera ce qu'elle est ici? Eti kanisa ingekuwa vile kiko. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Prospère entre ses propres mains. Iku naendelea ni mikono yake ye Mungu ye mwenyewe. Lisons. Tusomeni. Pour qu'il n'y ait pas de débat à la fin. Ushikwe mambo ya bubishano kumwisho. Isaïe 53. Isaya sura 51. Isaïe 53. Isaya sura 51. Esaïe 53. Isaïa sura makumi tano na tatu. Ah voilà, c'est le verset 10. Ni musari ya kumi. J'ai cherché le verset. Na kwa natafuta musari. Esaïe 53 10. Isaïa makumi tano na tatu kumi. Il a plu à l'Éternel. Il est umpendeza Yehova. De le briser par la souffrance. Kumuvunja kupitia maumivu. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, kisha kutoa bujima bwake sawa sadaka juu ya zambi. C'est-à-dire l'incrédulité. Manake kutokuamini. Il verra une semence et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On a dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les frères des mains de Ngoïndaï. Et tu vas nasema kazi ya Mungu itaendelea mikono ya Ngoïndaï wala ya José Mbala. Ou de Sam Kitoko. Wala ya Sam Kitoko. L'œuvre de l'Éternel kazi ya wa milele prospérera entre ses mains. Itaendelea mumikono yake. Celui qui fait prospérer cette œuvre, c'est Dieu lui-même. Kule konendelesha hii kazi ni Mungu yeye mwenyewe. Même l'argent là que vous donnez pour contribuer, il est écrit que l'or et l'argent m'appartiennent. Frère, tu peux être millionnaire. Si Dieu veut bloquer tes millions, il le fera. Et tu commenceras à demander l'argent même à un petit garçon. Il faut comprendre que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'a donné. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Même l'intelligence que nous avons, c'est le don de Dieu. L'argent que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pourquoi il faut servir Dieu avec ton argent là. Mon frère, l'intelligence que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Vous êtes né dans une famille de 7 enfants. Urizali wa mujama ya batoto saba. Mais tu es le seul qui est intelligent. Uku peke yako njo wa akili. Quel est l'effort que tu as fait pour être intelligent? Et qu'est-ce que les autres ont fait pour ne pas être intelligent? Ni ngufu kani urufanye juko wa akili na bale banufani ni juba bakosa akili. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Ni Mungu ndiye kunaleta akili. Et chacun doit dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mukila mmoja anapashi kusema ni kwa neema ya Mungu ndio niko kile niko. C'est vrai. Bia kweli. Écoutez frère, il a bien l'intérêt de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, lui, Jésus-Christ, verra une semence. Lui, c'est le grain de blé. Il verra d'autres grains de blé. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, kama mbeko ya ngano yenye kuanguka mbulongo haikufe, il reste seul. Itabaki peke yake. Mais si il meurt, sasa kama inakufa, il porte beaucoup de fruits. Itazala matunda ya mingi. Et Jésus est mort. Na Yesu alikufa. Mais Jésus est ressuscité. Lakini Yesu alifufuka. Et aujourd'hui frère, sasa leo ndugu, nous sommes le fruit de ces grains de blé là. Tuko tunda ya ile mbeko ile ya ngano. La vie qui est en Jésus, bushima bule buku ndani ya Yesu. C'est la même vie qui est en nous. Jo bushima moyo mwangu buku ndani yetu. L'esprit qui est en Jésus dans la plénitude, il est roi, c'est le même esprit qui est en chacun de nous en portion. C'est la même qualité de l'esprit. C'est vrai. Ça ne se fera pas avant. Mais après, avant de livrer sa vie en sacrifice pour le péché, verra une semence et prolongera ses jours. C'est-à-dire, d'abord, il verra une semence. Kwanza, taona mbeko. Ensuite, au travers de cette semence, kupitia, il prolongera ses jours. Kupitia ile mbeko, atendelesha masiku. La Bible l'avait montré depuis l'Ancien Testament. Biblia ilionesha katangia agano la kale. Par le sacrifice de deux tourterelles. Kupitia sadaka ya banjiwa mbili. Il y avait un tourterelle mâle, une tourterelle mâle, et une tourterelle femelle. Na njiwa wakike, on égorgeait la tourterelle mâle. Barukwa na katashingo njiwa wakiume, et on prenait son sang. Barukwa na chugua damu yake, on aspergeait sur la tourterelle femelle. Na kuimimia yule ya njiwa wakike, et on lâchait la tourterelle femelle. Na barukwa na chiria ule njiwa wakike, elle s'envolait partout sur la terre. Barukwa na ruga fazi yote pa dunia, en battant des ailes, mukupika mabawa, et en répandant le sang de la tourterelle mâle. Na kumimia damu ya ule njiwa wakiume. La tourterelle mâle qu'on a égorgée, c'est Jésus Christ. tutelle femelle sur laquelle on a répandu le sang du mal, c'est l'église. Et grâce avec le sang de Jésus, l'église est en train de parcourir toute la terre pour répandre le sang de l'agneau. Aujourd'hui, si à Kambove on connaît Jésus, c'est parce que l'église est à Kambove. Remarquez la tutelle femelle. Elle bat les ailes. Pas pour répandre son propre sang, mais pour répandre le sang du mal. Nous aussi aujourd'hui, quand nous mettons les gens en contact, ce n'est pas avec nous-mêmes, c'est en contact avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes l'église du Dieu vivant. Personne ne doit parler ici. Hakuna mtu atasema hapa. Ça c'est mon église. Ah, hii ni kanisa yangu. Si tu ne veux pas, fatan. Kama upende, toka. Tu n'as jamais appelé quelqu'un ici. Ah oui, aitaka mtu hapa. C'est le père qui attire. Ni baba ndio kuna vuta. Vous avez déjà invité beaucoup de gens à Kambove, est-ce qu'ils sont venus? Munesha kuita bantu mingi mukambove, eti banesha kumbiaka. Même quand vous invitez quelqu'un, il faut que Dieu touche son cœur pour qu'il vienne. Ataka munaita mtu inapashe Mungu aguse roho yake juu apate kuya. Vous allez voir même que vous avez invité quelqu'un, ça fait une année, il ne vient pas. Utaona utaita mtu kuna kwa miaka mzima ashikuye. Mais un jour, siku moya, il se réveille le matin. Analamka asubuhi. Je pars quand même à cette église là. Mimi naenda mbele kuile kanisa ile. Toi, tu ne connais même pas, tu es là. On demande qui veut recevoir le baptême. Tu regardes, c'est ton voisin. Toi, tu as tout fait, il n'est jamais venu. Mais Dieu l'a attiré dans la simplicité. C'est le Père qui attire. Et même le Seigneur l'avait dit. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est le Seigneur qui nous attire. Il verra une semence et prolongera ses jours. Écoutez. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tu peux avoir été le plus grand donateur pour cette construction. Mais un jour, l'orgueil entre dans ton esprit. Je ne vais plus donner. Oh, shitaleta tena. Je vais comment cette église va avancer. Tona mbele vile hii kanisa itaendelea. Tu commets une bévue, frère. Unakotola sana nduku. Quand toi tu refuses là, wakati pale unakataa, Dieu va retirer ce qu'il t'avait donné là-bas. Mungu atakunyang'anya ile alikupatiaka. Il donnera un autre frère. Anapatia yon nduku mwingine. Qui soutiendra l'œuvre plus que toi. Unatasaidia kazi kukushindia. Donc ne vous enorgueillissez jamais. Hapana kuwa na kiburi. Au point de croire que c'est grâce à vous que l'œuvre ici prospère. L'œuvre du Seigneur prospère entre ses propres mains. C'est la vérité. C'est pourquoi ça s'appelle l'église du Dieu vivant. Actes chapitre 20, verset 28. Il est écrit, j'ai beaucoup d'écritures, on soit un peu rapide avec vos Bibles. Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-mêmes. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître, écoutez, Dieu a coulisha. Pour paître l'église du Seigneur. Dieu a coulisha kanisa ya Bwana. Qui s'est acquise par son propre sang. Il est arijinunulia kupitia damu yake mwenyewe. Jésus n'est jamais mort pour ces briques là. Yesu ashia fuyaka hii matofari hapana. Mais Jésus est mort pour vous. Lakini Yesu alimfia ni mweye. C'est vous l'église du Seigneur. Moi njo kanisa ya Bwana. La maison de Dieu. Nyumba ya Mungu ni mweye. Je vous le lirai bientôt là. Tamisomia ibadaye. Écoutez bien mes frères et sœurs. Musikilize bapendo wa nduku na badada. Et puis je voulais dire une chose ce soir. Napenda kusema kitu mwa magharibi ya leo. Sur toute la terre. Pas dunia mzima. Dieu n'a pas plusieurs églises. Mungu ana na makanisa mingi. Akambove. Mukambove. Dieu n'a qu'une seule église. Mungu ako na kanisa moja tu. Okatanga. Mukatanga. Dieu n'a qu'une seule église. En RDC. RDC. Dieu n'a qu'une seule église. En Afrique. Dieu n'a qu'une seule église. Dans le monde entier. Dieu n'a qu'une seule église. C'est cette église-là. Qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et cette église-là n'a pas plusieurs doctrines. Na ile kanisa haina na mafundisho ya mingi hapana. Oh, ça c'est la doctrine créée à Kambove. Oh, hii ndio mafundisho tunaamini mwa Kambove. Non, non, non. Hapana, Kambove n'a pas sa doctrine propre. Kambove ana na mafundisho yake mwenyewe hapana. La doctrine créée à Kambove. Mafundisho ile banaamini mwa Kambove. C'est la doctrine créée à Kinshasa. Ndio mafundisho ile banaamini na Kinshasa. La doctrine du Seigneur. Mafundisho ya Bwana. Est pareil partout. En tout temps et en tout lieu. Iko sawa sawa fashi yote ndani ya bote na mafazi yote. Je n'ai pas besoin de négocier avec Fengo Indai. Mishitaji. Qu'est-ce que dis-moi, qu'est-ce que tu vas prêcher? Nisikilize na nduku ngonda uniambie utahubiri vitu gani? Hapana. Tu me laisses la chair. Uniache tu mimbari mbili. Je vous ouvre la bouche pour parler. Tafungula kinywa cha kuhubiri. Si vous êtes l'église du Dieu vivant, vous direz amen à la parole. Kama Mungu kanisa ya Mungu aliye hai mtasema amen na kuneno la Mungu. C'est tout. Kunaisha. Quand il vient chez nous là. Wakati anakuwa kule kwetu. Tunampatia mimbari. Ubiri. Et quand il prêche, nous disons amen. Wakati anahubiri tunasema amina. Beaucoup de gens confondent la citation de Frère Branham. Bantu mingi bako na furudika misemo ya nduku Branham. Ils comprennent mal la citation de Frère Branham. Banelewa mbaya misemo ya nduku Branham. Où il dit? Mula nasema. Chaque église doit avoir sa doctrine. Kila kanisa inapaswa kuwa na mafundisho ya msingi. Ils comprennent? Banasikia. Que Kambove doit avoir sa doctrine. Ya kwamba Kambove inapaswa kuwa na mafundisho yayo. Likasi sa doctrine. Likasi na ina mafundisho yake. Kolwezi sa doctrine. Kolwezi na mafundisho yake ya msingi. Kinshasa sa doctrine. Kinshasa na mafundisho yake ya msingi. Dieu aura combien de doctrines? Sasa Mungu atakuwa na mafundisho ngapi? Quand Frère Branham disait ça, il parlait de l'église du Dieu vivant par rapport aux dénominations. Arianza kusema kuhusu kanisa ya Mungu aliye hai kwa kuangalia mazehebu. C'est-à-dire, manaki l'église catholique. Kanisa katoliki. Ils ont la doctrine. Mais on a mafundisho hapa msingi. Quand ils commencent à parler, vous savez, ça c'est un catholique. Wakati wanaanza kusema utasema huyu ni wa katoliki. Les néo-apostoliques. Ba néo-apostoliques. Quand ils parlent, ça c'est néo-apostolique. Wakati wanasema utasema huyu ni wa néo. Les kimbangistes. Ba kimbangistes. Ça c'est kimbangistes. Utasema huyu ni wa kimbangu. Ça c'est un témoin de Jéhovah. Huyu ni mshahidi wa Yehova. Nous aussi quand nous parlons, sisi, on va wakati, dire ça ce sont les chrétiens. Wakati tunaanza kusema utasema hapa njoo ba Kristo ni hapa. Nous avons notre langage. Tuko na msemeo yetu. Le langage de la Bible. Msemeo ya Biblia. C'est la vérité, frère. Kweri, cette citation ne signifie pas que chaque assemblée locale doit avoir sa doctrine. Non, non, non. Non, non. Kila kanisa paali, frère, na mafundisho ya msingi. On a des milliers d'assemblées locales, donc on aura des milliers de doctrines. Tuko na maelfu ya makanisa paali, manake tutakuwa na mafundisho ya elfu ya paali. Apana. Écoutez ce que le Seigneur avait dit. Musikie kile Bwana alisema. Dans Jean chapitre 7. Mu Yohane sura ya 7. Jean chapitre 7. Yohane verset sura 16. Mustari ya 16. Jésus le répondit. Yesu akabajibu, ma doctrine, ma fundisho yangu wa msingi, n'est pas de moi, aina ya kutokea kwangu, mais de celui qui m'a envoyé. Alakini ni ya ule alinituma. Donc, ce que le Fils kile mwana enseigné anefundisha ne venait pas de lui, akikuwa natokea kwake, mais ça venait du Père. Kilikuwa natokea ni kwa Baba. Lui il a pris cette doctrine là. Yari chukua tu ile mafundisho. Jean chapitre 1er. Yohane sura ya kwanza. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Jean 1:1. Yohane sura ya kwanza mstari ya kwanza. Taisoma. Jusqu'au verset 3. Kufika na mstari ya 3. Excusez-moi. Acte. Ah, ni Matendo. Acte 1:1 à 3. Acte 1:1 à 3. Matendo ya mitume sura ya kwanza moya kutatu. Acte chapitre 1 verset 1 à 3. Matendo ya mitume ya kwanza. Théophile. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre hein, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux kuleta, apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, kisha kuteseka, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, na kupapatia mahakikisho ya mingi, se montrant à eux pendant 40 jours alionekanisha kwabo kadiri masiku makumi ine, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Na kubambia bitu byenye kuelekea ufalme wa Mungu. Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Yesu alianza kufanya na kufundisha tangia mwanzo. Et l'enseignement là-haut, cette doctrine là-bas, il lui dit que ça, ce n'est pas sa doctrine, c'est la doctrine du Père. Na mafundisho yake ile asiseme, anasema haina mafundisho yangu ni mafundisho ya baba. Il a pris la doctrine du Père, il a enseigné aux apôtres. Alichukua mafundisho ya baba na kufundisha kwa mitume. Maintenant, cette doctrine du Père. Sasa ile mafundisho ya msingi ya baba. Qui devait la doctrine du Fils. Ile inakuwa mafundisho ya mwana. Et qui a été enseigné aux apôtres. Na ile ilifundishwa kwa mitume. C'est ce que la Bible appelle dans Actes 2, 42, l'enseignement des apôtres. Joy, le Bible inasema matendo ya mitume 2 makumi mbili na mbili inasema mafundisho ya mitume. Actes 2, 42. Matendo ya mitume 2 makumi nne na mbili. Il persévérait. Bali kwa na dumu. Dans l'enseignement des apôtres. Mu mafundisho ya mitume. Donc, ce que le Père a enseigné au Fils, le, baba rifundisha mwana, les le Fils l'a enseigné aux apôtres, mwana anafundisha ba mitume, et les apôtres nous l'ont enseigné. Na ba mitume na baba natufundisha akyo. Et c'est appelé l'enseignement des apôtres. Na banaita yo, mafundisha ba mitume. Maintenant, quand Branham est venu au temps de la fin, sasa wakati Branham alikuwa kuiwa il a trouvé que cet enseignement des apôtres a disparu. Alikuta kwamba mafundisho ba mitume ilipotea. Et Branham est venu avec un message. Branham alikuwa na ujumbe. Il nous ramène à la foi. C'est-à-dire, hein, il a porté un message qui nous ramène à l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi, quand il est allé au paradis, on lui a dit, lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras jugé. Et dis-moi, est-ce que Pierre et Paul seront jugés? Et dit Petro na Yohana wao watahukumiwa? Il dit oui. Anasema ndio. Ils seront jugés. Na wao watahukumiwa. Il dit OK. Anasema mzuri. Si ceux de Pierre. Kama wale wa Petro. Et de Paul. Na wale wa Paulo. Entre. Bane ingia. Les miens aussi entrent. Na bangu na wao wataingia. Parce que j'ai prêché exactement comme eux. Juu nalifundisha sabo. Aujourd'hui, frère, Léo Induku, ce que nous vous prêchons ici à Cambodge, si Pierre et Paul viennent, ils s'asseyent là-bas, ils diront Amen à ce que nous prêchons. Parce que nous prêchons exactement comme les apôtres avaient prêché. Parce qu'il s'agit de la même église. Frère, Nduku, quand le Seigneur donnait la promesse, wakati bwana alikuwa analeta malako, je reviendrai vous prendre. Tarudiaka kumibeba. Il s'adressait aux apôtres. Alikuwa anambia ba mitume. Et le jour où il est monté, na siku ile alipanda, ceux qui l'ont vu, c'était les apôtres. Bale balimuona balikuwa ba mitume. Quand il reviendra, wakati tarudia, il viendra prendre une église qui croit comme les apôtres. Atakuwa kubeba kanisa ile naamini vile ba mitume baliamini. Voilà pourquoi avant l'enlèvement, Joko amana mbele ya kunyanyuliwa, Dieu a envoyé un message du retour à la foi apostolique. Mungu alituma ujumbe ya kurudia kuimani ya mitume. Pour qu'il vienne trouver une église telle qu'il l'a laissée. Kanisa, paka vile aliachaka. C'est pourquoi ce message, ujumbe, c'est un message de restauration. Ni ujumbe ya kurudisha. Ou du rétablissement. Ya kurudisha. On restaure ce qui avait déjà existé. Tukunarudisha kile kilikuwa kako zamani. C'est pas un message de remplacement. Aina ujumbe ya kukombola. C'est un message de restauration. Alakini ni ujumbe ya kurudisha. De rétablissement. Ya kurudisha. De restitution. Ya kurudisha kile kilikuwa kako. C'est ça le message que nous prêchons. Jo ujumbe ile tukunahubiri. Bien mes frères et sœurs. Bapendo bantu kuna badada. Dieu n'a pas plusieurs églises. Mungu ana na makanisa ya mingi hapana. Il n'a qu'une seule église. Eko na kanisa moja tu. Et cette église c'est son corps. Na ile kanisa ni mwili yake. Ephésiens 5, 23. Wa Efeso 5, makumi mbili na tatu. Car kwani le mari est le chef de la femme. Bwana ndio chef wa bibi. Comme Christ est le chef de l'église. Paka vile Kristo naye ni chef wa kanisa. Qui est son corps, yenye kwa mwili yake, et dont il est le sauveur. Na yenye anakuya, mokozi wayo. L'église, kanisa, est le corps de Christ. Ni mwili ya Kristo. Elle est le corps de Christ. Ni mwili ya Kristo. Là où on appuie le mensonge. Pardon? Là où on appuie le mensonge. Parlez-moi qu'on a tout maini à Biabongo. Au lieu de la vérité. Parce que la Bible dit, Panashimamia bia bongo. La Bible dit, si je tarde, Biblia inasema kama mina gawia, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, ili upate kujua namna kani ya kujongoza munyumba ya Mungu, qui est l'église du Dieu vivant, yenye kwa kanisa ya Mungu aliye hai, la colonne et l'appui de la vérité. Guzo na tegemeo ya ukweli. Quand une église soutient le mensonge, c'est quand un groupe soutient le mensonge, ce n'est pas l'église. Wakati kundi ya watu inashimamia pabongo, haina kanisa ya Mungu. Je vous dis. Namiambia. C'est pourquoi vous avez écouté Frère Branham disait. Joko mana musikia ndugu Branham alikuwa anasema. Ne me parlez pas de l'église catholique ou protestante, ce sont des loges. Mushinitaye kanisa katoliko wala mishoni ni mabitandaori. Il dit, ce ne sont pas des églises. Aina makanisa. Ce sont des loges. Ni mabitandaori. L'église est unique, frère. Kanisa iko moja tu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Ni nguzo na tegemeo ya ukweli. Oh non, à Kambove, il y a plusieurs églises. Mukambove, muku makanisa ya mingi. Oubliez ce langage-là. Musabu ile misemeo ya vile. À Kambove, il n'y a qu'une seule église. Mukambove, muku kanisa ni moja tu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Ni nguzo na tegemeo ya ukweli. Quand vous prêchez que Branham est Dieu. Wakati wanamhubiria sa Branham njo Mungu. À Kinshasa, une église s'appelait Branham Église. Ku Kinshasa ku kanisa mwa banaita sa Branham kanisa. Amanga fula. Kule kumonga fula. Branham Église. Banaita sema kanisa Branham. Mes frères, mais c'est pas possible. Duko abi wesekande. Est-ce que Branham peut avoir une église? Eti Branham anaweza kuwa na kanisa? Est-ce qu'il a versé son sang pour l'église? Eti alimwanga damu yake juu ya kanisa fulani? Est-ce que celui qui a dit je bâtirai mon église? Eti yenjo alisema ntayenga ka kanisa yangu. L'église a quelqu'un qui est le propriétaire. Kanisa kuna mtu mwa mwenye nayo. C'est celui qui a dit sur ses rocs, je bâtirai mon église. Ule alisema pai mwamba tayenga kanisa yangu. L'église est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Kanisa ni kanisa ya Bwana Yesu Kristo. C'est lui le Dieu vivant. Yenjo Mungu wa kweli aliye hai. Et l'église c'est son corps. Na kanisa ni mwili yake. Là on appuie le mensonge au lieu de la vérité, c'est pas l'église du Dieu pale vivant. Pale wanashimamia bongo pale ya ukweli, haina kanisa ya Mungu aliye hai. Là on appuie un système d'hommes antiscripturaire, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Pale wanashimamia matengenezo ya bantu yenye kwa kinyume na maandiko, haina kanisa ya Mungu aliye hai. L'église n'est pas conduite par un système, l'église est conduite par le Saint-Esprit. Kanisa iongoziwe na matengenezo ya bantu, lakini kanisa naongoziwa na Roho Mtakatifu. Là on adore un homme. Pale wewe unaabudu mtu? On doit adorer le Dieu véritable. Pale ya kuabudu Mungu wa kweli. Ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Haina kanisa ya Mungu aliye hai. Parce que le Dieu vivant dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu Mungu aliye hai alisema utakuwa na Mungu mwingine mbele ya uso wangu. Et les apôtres disaient ceci. Na ba mitume walikuwa nasema hivi. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21. Yohane wa kwanza 5 makumi na moja. Nous savons. Tunajua. Que le fils de Dieu est venu. Ya kwamba mwana wa Mungu alikuja. Et nous a donné l'intelligence. Alitupatia akili. Pour connaître le véritable. Ya kujua ule wa kweli. Et nous sommes dans le véritable. Na tuko ndani ya ule wa kweli. En son fils Jésus-Christ. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Petits enfants, Kanisa, gardez-vous des idoles. Batoto kidogo musopoke na masanamu. Petits enfants, batoto kidogo, gardez-vous des idoles. Musopoke na masanamu. C'est-à-dire, manaki, en dehors de Jésus-Christ, inje ya Yesu Kristo, tout ce que vous appelez Dieu, bile byote mutaita Mungu, c'est une idole. Ni masanamu. Le Dieu adorable. Mungu wa kuabudu. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. Nous adorons Dieu notre Père céleste. Tukunaabudu Mungu baba yetu wa kumbingu. En son nom. Dani ya jina lake. On adore Dieu. Tukunaabudu Mungu. En son nom. Mujina lake. Et quel est le nom que Dieu a, le nom humain que Dieu a porté? Ni jina kani la muntu ile Mungu alichugua. Seigneur Jésus Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi les lieux d'adoration. Joko mana fazi ya kuabudu. Que Dieu a choisi. Ile Mungu alichagua. C'est en Christ. Ni ndani ya Kristo. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Et dans l'église du Dieu vivant. Na mukanisa ya Mungu aliye hai. On ne se joint pas. Aina kujiunga mo. On est né. Banazaliwa kamo. On se joint pas. Hakuna namna kujiunga. Dans Kambove Tabernacle, on peut se joindre. Mui kanisa ya Mukambove. Unawezi kujiingiza mukujiunga. Et dans Kambove Tabernacle, il y a trois sortes de croyants. Na mui kanisa ya Mukambove, muku aina tatu ya baaminifu. Mais dans l'église du Dieu vivant qui est à Kambove, il n'y a que les vrais croyants là-bas. Lakini mukanisa ya Mungu aliye hai, muku paka baaminifu babia kweli njowe komule. Parce que dans l'église, on se joint pas. Dieu mukanisa ya Mungu, hakuna namna kuingia mo. Et dans l'église, Dieu n'ajoute que ceux qui sont sauvés. Mukanisa ya Mungu, Mungu yako naongeza mpaka wale wenye kuokolewa. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Mchukue Biblia yenu. Acte chapitre 2. Matendo ya wa mitume sura 2. Verset 47. Sari ama kumi on peut passer à 46. Na saba, dans deux actes 2, 46 à 47. Matendo et là, on montre la différence entre le temple, le bâtiment et les hommes. Banonesha achanisho katikati ya kanisa na kiekalu ya batu. Ils étaient chaque jour. Bali kwa kila siku. Tous ensemble. Bote pamoja. Assidu au temple. Bakwa na dumu kuekalu. Il rompait les pains dans les maisons. Et prenait leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Eti munafuata mzuri usomi. Le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Bwana alikuwa anaongeza ku kanisa kila siku bale barukane. Et je tiens vous rappeler que les apôtres n'avaient pas de tabernacle construit. Na mikumbusha kwamba ba mitume walikuwa na mahekalu ya kuyengwa hivi hapana. Mais ils étaient l'église. Lakini balikuwa kanisa ya Mungu. Si toi tu penses que l'église c'est le bâtiment, les apôtres n'avaient pas de bâtiment. Kama wewe unawazia sema kanisa ni hiki nyumba, ba mitume walikuwa na bima nyumba. Le Seigneur ajoutait à l'église. Bwana alikuwa anaongeza ku kanisa. Donc dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de païens là-dedans. Mukanisa ya Mungu aliye hai, amuna ba pagano mule ndani hapana. Mais à Kambove tabernacle il y a des païens. Alakini mukanisa ya Kambove mukuna ba pagano. À Kambove tabernacle il y a des fils du diable qui sont là. Mukanisa ya Kambove muku batoto wa shetani beko. Mais à Kambove tabernacle il y a aussi des fils de Dieu qui sont là. Alakini mukanisa ya Kambove muku tena na batoto ya Mungu beko amu. Mais dans l'église du Dieu vivant. Alakini mukanisa ya Mungu aliye hai. Qui est à Kambove? Yenye kwa Mukambove. Il n'y a pas de païens. Amuna ba pagano. Parce que Dieu ajoute à l'église seulement ceux qui sont sauvés. Ju Mungu yako naongeza ku kanisa paka bale benaisha ukolewa. C'est fondamental, frère. Il n'y a musingi sana nduku ni amafa. Il n'y a pas de faux croyants dans l'église. Amuna ba minifu ba bongo mukanisa ya Mungu aliye. Il n'y a que le vrai croyant. Muku paka ba minifu ba bia kweli. Les rachetés. Benye ukombolewa. Ce sont ceux-là qui forment l'église. Bale njoba na tunga kanisa ya Mungu. Et ce sont les rachetés que Dieu ajoute à l'église. Na ni benye ukombolewa njoba le Mungu anaongeza ku kanisa. C'est pourquoi on ne se joint pas. Njoko mana abengi yake motu. Vous devez naître de nouveau. Unapashi kuzaliwa mara ya pili. C'est vrai. Bien mes frères et sœurs. Bapendo banduku na badada. S'agit de l'église du Dieu vivant. Ni mambo ya kanisa ya Mungu aliye hai. Ceux qui sont appelés hors de. Bale benye kuita inje ya. Sont appelés hors du monde. Banaitwa kutoka inje ya dunia. Ils sont appelés hors du péché. Banaitwa kutoka inje ya zambi. Ils sont appelés hors des dénominations. Banaitwa inje ya zebu. L'église ne suit pas les courants de ce monde. Kanisa ifatake mwenendo ya dunia. L'église nage à contre courant. Iuna tembea kipindu pindu. C'est pourquoi les choses du monde n'intéressent pas l'église. Quand les filles du monde s'habillent mal, vous habillez-vous correctement. Parce que vous êtes l'église. Et vous êtes différent du monde. Quand les filles du monde se prostituent, gardez votre virginité jusqu'au jour du mariage. Parce que vous êtes l'église du Dieu vivant. Quand les garçons du monde vous gardez vos chastes jusqu'au jour du mariage parce que vous êtes l'église du Dieu vivant. La colonne est la pointe de la vérité et dans la parole de vérité il est écrit ce que Dieu veut c'est votre sanctification. C'est ça la vérité, frère. L'église n'appartient pas à un homme. Kanisa aina ya muntu. C'est pourquoi elle est appelée l'église de Dieu. Joko mana banaita kanisa ya Mungu. La parole que nous prêchons. Neno itu kuna ubiri. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. L'esprit que nous recevons. Roho ile tunapokea. C'est l'esprit de Dieu. Ni roho ya Mungu. Le royaume dans lequel nous nous trouvons. Ufalme mule tunapatikana. C'est le royaume de Dieu. Ni ufalme ya Mungu. Le peuple que nous sommes. Taifa kile tuko. C'est le peuple de Dieu. Tuko taifa ya Mungu. Les enfants que nous sommes. Batoto kile tuko. Ce sont les enfants de tuko Dieu. Tuko batoto ya Mungu. Les promesses que nous avons reçues. Malako ile tulipokea. Ce sont les promesses de Dieu. Malako ya Mungu. Même le ciel, c'est le ciel de Dieu. Ata mbingu nye ni mbingu ya Mungu. Les tonneristes disent Baminguru maweko na sema. Frère, nous irons dans le ciel de Branham. Duku tutenda mumbingu ya Branham. Branham na pensier. Branham ana na mbingu. Vous savez ce qui les séduit? C'est la citation dans Debout dans la brèche. Non, Dieu dit à Abraham. Parce que tu as choisi le chemin étroit. Le chemin difficile. Une grande portion du ciel t'est réservée. Ils disent, nous irons dans le ciel d'Abraham. Frère, ça c'était la, ça c'est la récompense d'Abraham. José Mbala a sa récompense. José Mbala na yeko na malipo yake. Boinda sa récompense. Boinda na yeko na malipo yake. Toi aussi tu as ta récompense. Na wewe kuna malipo yako. Qu'est-ce que Paul disait dans 2 Timothée 4? Paul alikuwa anasema Timothée 2:4. Verset 6 et 7. Musari ya 6 na 7. C'est 7 et 8 je crois. Na waza ni 7 na 8. 2 Timothée 4. Timothée wa 2 4. 2 Timothée 4. Timothée wa 2. Verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. Nalipika vita mzuri. J'ai achevé la course. Namaliza mbio. J'ai gardé la foi. Ninachunga imani. Désormais, tangi hapa sasa. La couronne de justice m'est réservée. Taji ya uaki bananichungia hiyo. Ça c'est Paul le messager. Uni Paulo mjumbe anasema. Comme Branham le messager aujourd'hui. Baga vile Branham na yeye ni mjumbe leo. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez Paul? Paul avait sa récompense, mais il savait que tous ceux qui aiment la venue du Seigneur, chacun aura sa récompense. Paul alikuwa na malipo yake, alijua sasa wote wako ndani ya Bwana na bova atakuwa na malipo yake. Dans ce temps de la fin, oui, wakati ya mwisho, Branham a sa récompense, Branham toi aussi tu auras ta récompense. Na wewe utapata malipo yako. Frère, Nduku, nous ne sommes pas fanatiques de Branham, si, atuna ba upendeleo mais nous sommes croyants de la parole. Alakini tuku ba minifu ba neno la Mungu. Et on ne peut pas focaliser l'évangile sur la personne de frère Branham. Atuwezi kuyenga injili yule ya ndugu Branham. Non. Apana. Le cœur moyo de l'évangile. Shina inye ya injili. C'est Christ. Musingi ya injili ni Christo. Je peux prêcher du début à la fin. Je ne cite pas le nom de frère Branham, mais j'ai prêché. Ah, nawezi kuhubiri tangia mwanzo na mwisho bila kutaya jina la Branham, lakini mimi nahubiri. Mais je ne peux jamais prêcher du début à la fin sans citer le nom de Jésus Christ. Lakini siwezi kuhubiri tangia mwanzo kufika mwisho bila kutaya jina Yesu. Si je prêche, je ne cite pas Jésus Christ, je n'ai pas prêché. Kama nikihubiri bila kutaya jina Yesu Kristo manake nishihubiri. 2 Corinthiens 4 verset 5. Wa Korinto wa pili 4 mstari 5. 2 Corinthiens 4 verset 5. Wa Korinto wa pili 4 verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Atujubiri sisi wenyewe. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ni Yesu Kristo ndio tunahubiri. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Tunajiita watumishi kwa ajili ya Yesu. Acte 15. Matendo ya Mitume 15. Verset 13 à 14. Mstari 13 14. Simon a raconté. Simone aliadisia. Comment Dieu a jeté les regards sur les nations. Namna kani Mungu alitupa macho pa mataifa. Pour se choisir. Dieu a kulichakuria. Jubilé d'elle. Katikati ya mataifa. Un peuple qui porte son nom. Taifa yenye kuchukua jina lake. Frère Branham dit. Dubera na masema. Dans les ailes de l'église. Mama miakati ya kanisa. Un peuple qui porte son nom là, c'est son épouse. Taifa yenye kuchukua jina lake ni bibi yake harusi. Donc nous portons un nom. Manake tunachugua jina. C'est le nom de Jésus-Christ. Ni jina la Yesu. C'est pourquoi on nous appelle pas branhamistes. Joko mana ba twita sema ba branhamistes. On nous appelle les chrétiens. Mana twita ba Christo. Parce que nous portons son nom. Dieu tunachugua jina lake. C'est vrai. Mbia kweri. Il est temps. Wakati nenea. J'ajoute quelques minutes. Niongeze kuma dakika. Ajoute, hein? Niongeze. Ok, ah, merci. Mzuri, asante. Soyez content quand on ajoute des minutes. Donc, mufurai wakati wana ongeza kuma dakika. Nijua neno la Mungu. Est-ce que vous êtes content ce soir? Eti munafurai magharibi ya leo. Non, la main est faible. Amen. Est-ce que vous êtes content ce soir? Eti munafurai. C'est la vérité. Ni mambo ya kweli. Bien aimés frères et sœurs. Bapendo banduku na badada. Et avançons un peu. Tusonge mbele kidogo. On va arrêter, c'est que je saute d'autres versets. Na ruka ma mstari ingine. L'église du Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. Ce n'est pas le bâtiment. Aina iki kinyumba. Mais ce sont les gens qui se réunissent dans les bâtiments. Alakini ni bantu bale banakusanyika mu iki nyumba. Je vais vous donner les écritures, vous verrez. Tamipatia mama andiko. Rapidement frère. Waraka nduku. Je prends Colossiens 4:15. Wa Kolosai 4:15. Colossiens 4:15. Écoutez ce qu'il dit. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Et Nymphas. Nymphas. Et l'église qui est dans sa maison. Na kanisa ile kundani ya nyumba yake. Frère. Duku. Aujourd'hui. Leo hii. On peut se dire, on ne se réunit pas ici. Tunazusi matuta kusanyika hapa. On va se réunir au stade. Tutendo kusanyika mule ku kiwanza football. C'est l'église qui est allée se réunir au stade. Ni kanisa ndio inaenda kusanyika mule mu kiwanza football. C'est l'église. Ni kanisa. On dit non. Aujourd'hui on va se réunir chez le frère Jean-Marie Kanonga. Leo tuta kusanyika kwa ndugu Jean-Marie Kanonga. Ici on laisse. Hapa tuache. C'est l'église qui est allée se réunir chez Jean-Marie Kanonga. Ni kanisa inaenda kusanyika kwa ndugu Jean-Marie Kanonga. Et frère Branham disait quelque chose, je vais vous lire ça. Dans une prédication intitulée Le messager du temps de la fin, paragraphe 113, il dit maintenant, le messager du temps de la fin, paragraphe 113. Maintenant, écoutez-moi. Je ne vais critiquer personne. Je vous aime. Je suis zélé pour l'église. C'est probablement dans une assemblée de Dieu que je suis en train de parler. Je n'en sais rien. Ceci ne fait pas de différence pour moi. Je pense que c'est une église de Dieu. Nous devrions tous en être là. Non pas la dénomination église de Dieu ou assemblée de Dieu. Mais nous devons être des chrétiens du cœur. Écoutez, l'église de Dieu habite à l'intérieur des murs. L'église de Dieu habite à l'intérieur des murs. Ça, ce sont les murs. Et l'église habite à l'intérieur des murs. Je crois que ton langage, ton vocabulaire changera. Na wazia musemeu yako itabadilika. Eh, minenda ku kanisa. Je vais à l'église. Non, minenda ku tabernacle. Je vais au tabernacle, au temple. C'est l'église qui vient au tabernacle. Nikanisa njoi na kwa kuwekalu. Faut changer de langage. On n'a pas su kubadilisha musemeu. Même frère Branham avait ce langage ici. Attendu ku Branham alikuwa na hii musemeu. Si vous prenez le signe du 1er septembre 63, paragraphe 93. Donc il soma le signe du 1er septembre 63. Le 1er septembre 63. Paragraphe 93. Nukta 93. Il dit l'église, ce ne sont pas ces murs ici. Anasema kanisa haina mayukuta. Mais c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Ni mwili asipoonekana na macho ya Yesu Kristo. C'est dans le signe du 1er septembre 1963, paragraphe 93. Mon signe, 1er septembre 1963. Ouais. Dio. Philémon, verset 2, rapidement. Philémon, sura yapili. Philémon, verset 2. Philémon, verset yapili. Il est écrit ceci. Mananjika ivi. Il est écrit, Philémon 2. Philémon, moussari. À la sœur Afia. Quadada Afia. Archip. Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Na, kukanisa yenye kwa munyumba yake. Frère, le langage biblique est clair. Donc, musemea biblia kuwazi. À l'église qui est dans ta maison. Kukanisa ile kwa munyumba yake. Moi, je veux dire, à l'église qui est dans ce bâtiment. Na mina wezi kusema kukanisa yenye kwa mui chumba. Ça. Iki kinyumba. Ce n'est pas l'église. Aina kanisa. Ça, c'est un lieu de rassemblement. Ini fwashi ya ukusanika. C'est l'église qui vient se rassembler ici. Ni kanisa njoo kuna kwa kukusanika hapa. Retenez bien ça. Mwishike mzuri. Je vous donne d'autres écritures. Na mipatia mandiko ingine. 1 Corinthiens 16, 19. Wa Korinto wa kwanza 16:19. Écoutez ce qu'il dit. Musikele wanasema. Les églises d'Asie vous saluent. Makanisa ya kwazia inamisalimia. Aquilas et Priscille. Aquilas na Priscilla. Avec l'église qui est dans leur maison. Pamoja na kanisa yenye kwa munyumba yabo. Vous salue beaucoup dans le Seigneur. Animisalimia sana ndani ya Bwana. Moi aussi, je vous transmets les salutations des églises partout où nous sommes passés. Na mimi namipelekea masalamu ya makanisa kule kote nalipita. L'église de Ndola, elle s'est réunie jusqu'à présent dans une salle de classe. Kanisa kundola kufika na leo iko na kusanyika mu masomo na leo hii. Mais ils ont commencé la construction de leur tabernacle. Alakini walianza kuyenga hekalu yabo. Alusaka ils ont un tabernacle construit. Il y a d'autres qui se réunissent sous les arbres. D'autres se réunissent sous les bâches. C'est toujours l'église. Ni paka kanisa. Ne pensez pas que vous êtes devenu l'église quand ce beau temple a été construit. Depuis que vous étiez là à côté, là, c'était l'église de Kambove. Et vous vous toujours amen dans la parole là-bas. C'est la vérité. Et la preuve. A kikisho, avant l'enlèvement. Mbele on va fermer ces bâtiments. Batafunga kwanza mbele iki nyumba. Mais on ne fermera pas l'église. Alakine batafunga kanisa. C'est la vérité. On fermera Kambove tabernacle, mais on ne fermera pas l'église de Kambove. Batafunga kanisa iki ki nyumba kia mukambove. Parce que quand ils fermeront ces bâtiments, on se retrouvera quelque part ailleurs. On se retrouvera. On ne peut pas arrêter l'action de Dieu. Le Seigneur a dit sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église est invincible. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être ici en train de parler des sorciers. Nous craignons les sorciers. Jamais. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les morts. L'église ne proclame pas les méfaits du diable. L'église proclame les hauts faits de Dieu. Ils ne sont pas ici pour proclamer ce que Satan a fait. Nous sommes ici pour témoigner ce que Dieu a fait. Car ce que Dieu fait durera éternellement. C'est vrai, nous sommes l'église, frère. Et dans l'église du Dieu vivant, on ne vient pas proclamer les méfaits des gens. Dans l'église du Dieu vivant, on proclame seulement la bonne nouvelle. Même s'il y a une division à l'Ikasi, ça nous concerne pas. Oh non, il y a une division à l'Ikasi là-bas. Nous, nous sommes pour... C'est lui qui est venu ici aujourd'hui. C'est lui qui est venu là aujourd'hui. Kazumba. Ah, c'est lui qui est venu là aujourd'hui. Église. Kanisa. Alikasi, il y a une division. Kulikasi bana kabulana. Nous sommes pour Kazumba. C'est lui qui est venu Kazumba. C'est que ça, c'est une bonne nouvelle. Et il est né à Paris, Njema. Non. Apana. Allez. Mwenden. Prêchez la bonne nouvelle. Nous vire à Paris, Njema, Kubantu Bote. C'est lui qui croit. Où la tamine. En la bonne nouvelle. Ou à Paris, Njema. Et qui sera baptisé. Ou à baptiser. C'est la sauvée. Attends, Kolewa. Donc on ne peut pas venir dans l'église pour raconter les méfaits des gens. L'église c'est pour la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Oui frère, notez notre écriture. Avant que je lise les autres. On note aussi Acte 8:3. Saul de son côté, Saul ngambo yake, ravageait l'église. Arkwana rarua kanisa. Écoutez, musikie, il ravageait l'église. Arkwana teswa kanisa. Pénétrant dans les maisons, na kuingia manyumba. Il en arrachait hommes et femmes. On n'a pas dit pénétrant dans les bâtiments, il arrachait le baffle et le micro. Ashabasema sa arkwana ingia machumba ngwe ma baffle na micro apana. L'église dont il ravageait, c'était des hommes et des femmes. Kanisa ile arkwana teswa ilikuwa ni banaume na banamuke. Pénétrant dans les maisons où les croyants se rassemblaient, arkwana ingia manyumba mule ba milifo. Il en arrachait hommes et femmes, na kubeba mo banamuke na et les faisait jeter en prison. C'est ce qu'on appelle ravager l'église. On n'a pas dit qu'il entrait, il a arraché les micros, il enlevait les lampes, et il a arraché les portes et les fenêtres. Quand il ravageait l'église, il arrachait les hommes et les femmes et les jetait en prison. Donc c'est ça l'église. Joy nye kanisa ni les hommes et les femmes rachetés. C'est ça l'église. Joy kanisa. Et c'est elle, c'est cette église là Joy qui kanisa. Est la maison de Dieu sur la terre. Joy nye kwa nyumba ya Mungu pa dunia. Hébreux chapitre 3. Je suis déjà presque à la fin. Hébreux chapitre 3. Hébreux sura 3. Je vais arrêter à 30. Tassimamisha 30. Hébreux chapitre 3. Hébreux makumi. Écoutez. Verset 4 à 6. Musari aine na sita. Chaque maison kila nyumba est construite par quelqu'un. Inajengwa na mtu. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Frère, ce bâtiment, ce n'est pas Dieu qui l'a construit. C'est vous qui construisez ce bâtiment. Mais l'église, c'est Dieu qui l'a construit. C'est ça la différence. Les bâtiments ici sont les hommes qui l'ont construit. Les hommes aussi peuvent les détruire. Mais l'église du Dieu vivant, c'est Dieu lui-même qui bâtit son église. C'est pourquoi aucun homme ne détruira l'église. L'église atteindra la perfection. Aucun homme ne détruira l'église. Chaque maison construite par quelqu'un, kila nyumba najengwa na mtu, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Anakinu lalienga vitu vyote ni Mungu. Pour Moïse, kwa Musa, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Alikuwa mwaminifu mu nyumba yote ya Mungu. Comme serviteur, sawa mtumishi. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Dieu a kushuhudia bile bilipashe utangazwa. Mais Christ, lakini Kristo, le comme fils sur sa maison. Eko sawa mwana yulu ya nyumba yake. Et sa maison c'est nous. Na nyumba yake ni sisi. Dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu c'était d'abord le tabernacle, ensuite le temple, c'était une préfiguration de la vraie maison de Dieu que nous sommes. Moïse avait construit le tabernacle, Salomon construisit le temple. Et Salomon n'a rien gagné qu'à lui. C'était seulement le type. Il quoi tu n'y m'as mis fan non? De Christ. Y a Christ. Qui construira l'église? Où la taïenga kakanisa? Moïse et Salomon étaient le type de Christ. Moussa na Salomon il quoi ni pitcher Christ? Dans le Nouveau Testament. Y a gano. Christ ne construit pas un temple de briques. Christ a chiengé qu'à lui à ma tafana. C'est pourquoi tu vois quand il a fondé son église le jour de la Pentecôte, il n'avait pas de bâtiment. Je commande à wakati aranza kanisa kesiko Pentecôte a kuke kinyumba pana. Et vous ne verrez même pas mettre l'accent sur les bâtiments. Nous le faisons pour nous abriter contre les intempéries et pour adorer Dieu en sécurité. On peut aussi prier à l'extérieur là-bas. Dieu écoutera. Dans l'Ancien Testament, pour prier, il faut regarder vers le temple. Mais dans le Nouveau Testament, on ne regarde pas vers le temple. Nous tournons le regard vers Jésus. Dans la foi, où que je sois, quand je m'incline, je regarde à Jésus, il exaucera ma prière. Et quand il est venu faire, puisque là-bas on regardait en Orient. Mais quand il est venu, la Bible dit, l'Orient d'en haut nous a visités. Le soleil levant nous a visités. Jésus c'est notre Orient. Jésus c'est le soleil levant. Le soleil de justice. De la même manière qu'Israël. Regardez le temple. Vous tournez le regard vers Jésus. C'est lui notre orient. Où que je sois, quand je m'agenouille, je tournerai vers Jésus. Il écoutera ma prière et il exaucera ma prière. C'est vrai. Remarquez, mais Christ l'est comme fils. Moïse était fidèle dans la maison. Mais Christ l'est comme fils sur la maison. Alakini Christo eko sawa mwana yulu ya nyumba. Branham était serviteur dans la maison. Branham alikuwa mtumishi mu nyumba. Franck était serviteur dans la maison. Franck ni mtumishi mu nyumba. Pierre, Jean, Petro, Sam, Yohane, serviteur dans la maison. Mtumishi mu nyumba. Mais Jésus l'est fils sur sa maison. Alakini Yesu yeye ni mwana yulu ya nyumba yake. C'est pourquoi ne comparez jamais frère Branham avec Jésus-Christ. Branham était un serviteur. Branham Jésus est le Dieu de Branham. Yesu ye ni Mungu wa Branham. C'est la vérité. Mbiakweli. Tu écoutes les gens aujourd'hui sur la rue là. Meshkele chez nous, c'est Branham ou rien. Ouais, tu ni Branham, akuna mwingine tena. Ce sont des aventures. Liban, tu vas kufanya michezo. Frère Branham n'est pas notre absolu. Frère Branham, ana tegemea yetu. Chez nous, c'est la parole ou c'est rien. Jie ni neno la Mungu au hapana. C'est dans la parole qu'il est parlé de frère Branham. Et d'autres prophètes. Des apôtres. Dans la parole, il est parlé aussi de vous. Frère, vous avez une place dans la Bible. Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai. Maintenant, Dieu parle du serviteur fidèle et prudent. Quel est le serviteur fidèle et prudent qui est le maître établi sous les domestiques de sa maison? Le maître, c'est Christ. Le serviteur fidèle et prudent, c'est Franck. Le domestique, c'est nous. Sa maison, c'est vous. Ici. Donc, chacun a une place dans la Bible. Que personne ne t'inquiète. Tu as une place dans le plan de Dieu. Et personne ne peut te faire partir de l'église. Parce que tu ne t'es pas joint à l'église. Tu es né dans l'église. En hommage à Christ, l'église. Alors, tu n'étais jamais né là-dedans. Comment quelqu'un peut quitter sa famille? Michel est à Kinshasa chez nous là-bas. Mais il n'a pas quitté la famille Ngoïnda. Michel est toujours Ngoïnda. Malgré qu'il vit à Kinshasa. Toi aussi. Si tu es né dans l'église là-bas. Même si tu vas aux États-Unis, tu es dans cette église-là. C'est ça la vérité. Oh non. Frère José Mbalak, maman a chopé. Ananikwaza. Il m'a répondu sèchement. Ananijibu ya makari bibaya. J'abandonne de l'église. Mina cha kanisa. Mais tu n'as pas compris. Kumbia welewe kitu. Est-ce que tu es venu ici pour lui? Et turuku yoku juu yake. Est-ce que c'est lui qui t'a appelé? Et yenjo alikuitaka. Nous venons ici pour Jésus-Christ. Tunakuya pa juu ya Yesu Kristo. Même si quelqu'un me répond mal. Ata mtu akinijibu mbaya. Je persévérerai jusqu'à la fin. Endelea kudumu kufika na mwisho. Parce que je suis dans l'église. Je suis membre de la famille chrétienne. Et je demeurerai là jusque dans l'éternité. C'est vrai, frère. Bien aimé, frère et soeur. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils sont l'église. C'est pourquoi ils vivent n'importe comment dans la cité. Et quand ils savent qu'ils arrivent tout proche de, tout près d'ici, wakati anayosema na karibia na hapa, anakuwa sasa wa tu vas voir un frère qui insulte sa femme à la maison. Utaona ndugu wako na chambula mke wake kunyumba. Mais quand on arrive ici, wakati sa femme hapa, fait la même provocation, le frère se maîtrise. Bibi yake anamchokoza paka vile amchokoza ndugu anariheshimia ashimjibu. Tu as eu de la chance parce que nous sommes à l'église. Una bahati juu tunafika hapa kanisa. Attends quand on va rentrer là-bas. Chunga wakati tutarudi. Tu vois une sœur qui boude son mari, qui insulte son mari à la maison. Utakuta dade ona chambula bwana yake ashimushikie kumulanga. Mais quand son mari prononce la même parole ici. Wakati bwana yake anasema ile misemo ya moyo hapa. Mtada ule ashijibu. Chunga, chunga. C'est puisque nous sommes à l'église. Juste tu n'afika mkanisa. Chunga turudie kumulanga. Donc les gens deviennent sérieux. Quand ils viennent sérieux dans ces bâtiments. Parce que pour eux, l'église, c'est ces bâtiments. Et pourtant, partout où vous êtes, vous êtes l'église. C'est-à-dire, la crainte là, vous devez l'avoir partout où vous êtes. Non seulement quand vous venez ici dans ces bâtiments. Vous êtes l'église. Qu'est-ce que dit l'écriture? Quand que parlons, on va arrêter. Na wazia njua pa tutashimamia. Vous manifestez le sérieux seulement au tabernacle. Wakati unaingia mutabernacle. Au tabernacle, même si quelqu'un te donne une gifle, tu ne vas pas répliquer. Mutabernacle, la kata kama mtu anakupika lupi, hautamrudishia. Si je réplique, on trouvera que je ne suis pas spirituel. Nikimurudishia batawaza sema shina wakiro. Mais quand vous sortez, ukitoka pale nje, sana derrière en bas ici. Kumukongo tu ya nyumba huko hapa hapa. J'avais giflé qui? Ulipika nani? J'avais giflé qui? Hein, ulipika nani? Unamuruchi. Kamata wewe. Ana zoa. Pourquoi? Dieu anini. Parce que nous sommes plein l'église. Dieu atuna tena mkanisa. Vous êtes l'église partout vous êtes. Muko kanisa fwashi yote muko. Faut la crainte de Dieu partout. Il n'a pas choisi un aboka ba Mungu fwashi yote. Et faut savoir que même votre corps là. Il n'a pas choisi ata mwili yako. C'est le temple du Saint-Esprit. Ni ekalu ya Roho Mtakatifu. Lisons les écritures pour arrêter. Tu sais même andiko ja kusimamisha. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Wa Korinto wa kwanza 3 musari ya kenda. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Majengo ya Mungu. Dites amen à cette écriture. Museme amina kuia ndiko. L'édifice signifie la maison. Majengo manake nyumba ya Mungu. Vous, mweye. Vous êtes la maison de Dieu. Muko nyumba ya Mungu mweye. On n'a pas dit ce bâtiment c'est la maison de Dieu. Abasema c'est ni ki nyumba ya Mungu. Ni mweye njo nyumba ya Mungu. Une autre écriture, frère. Andiko ingine nduku. Ephésiens 2:19-22. Wa Efeso il est écrit ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers. Ah, celui-là c'est un Kinois. Ah, celui-là c'est un Kasaïen. Oubliez ces choses-là. Ici nous sommes tous chrétiens. Il n'y a pas ces histoires-là tribales ici. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Frère, vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. Vous avez été édifié. C'est-à-dire, il s'agit, vous êtes un édifice. Vous êtes une construction. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc le temple en réalité ce n'est pas ce bâtiment mais le temple c'est vous qui êtes là-bas. En lui vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3:16-17. Écoutez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Muko ekalu ya Mungu. Est-ce que vous le savez? Eti munajua vile. Vous êtes le temple de Dieu. Mweye, muko ekalu ya Mungu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Na roho ya Mungu iko ndani yenu. Si quelqu'un kama mutu détruit le temple de Dieu, akibomona ekalu ya Dieu Mungu, le détruira. Mungu na yatamubomola. Écoutez, musikie. Car kwani? Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Kwani ekalu ya Mungu iko takatifu na njo kile muko. Enfin, c'est la Bible. Ni Biblia. Lisons pour terminer. Tout ça, mais Dieu, comment lise. 1 Corinthiens 6:19-20. Wa Korinto wa kwanza 6:19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oh non, c'est mon corps. Oh, ni mwili yangu. Même si je me prostitue, c'est mon propre corps. Quel est ton problème? Ataka mina fabu ndumba, shini mwili yangu. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Amuna ba mwebe nyewe apana. Vous ne pouvez pas faire de ce corps-là ce que vous voulez. Amwezi kufanya na ile mwili kile unapenda apana. Chacun dans son corps doit dire à Dieu que ta volonté soit faite. Kila mtu mwili yake anapashi mwambia Mungu asema mapenzi yako ifanike. Et quand sa volonté se fait sur mon corps, je ne me prostituerai jamais. Wakati mapenzi yake nafanika yule ya mwili yake. Parce que sa parole dit fuyez la débauche. Juu neno lake nasema mukimbie buzini bundumba. Je ne permettrai pas qu'une prostituée vienne s'aventurer sur le temple de Dieu. Juwezi kuruhusu ndumba kwa kucheza na hekalu ya Mungu. Toi, tu prends le temple de Dieu, tu l'amènes entre les mains d'une prostituée. La prostituée enlève les vêtements du temple de Dieu. Dumba anatosha mavazi ya hekalu ya Mungu. Quelle profanation! Kukufuru kani kule. C'est une profanation. Nikukufuru. Vous profanez le temple de Dieu. Nakufuru hekalu ya Mungu. Sœur, quand tu laisses un païen te déshabiller, tu profanes le temple de Dada, Dieu. Dada, wewe unaacha mupagano anakuvula mangu. Unakufuru hekalu ya Mungu. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Biblia inasema hekalu ya Mungu iko takatifu na njoo kile muko. Ne le suyez pas avec la débauche. Mushichafue na bundumba. Écoutez, musiki. Car vous avez été racheté. Kwani mulikombolewa, uninunuliwa. À un grand prix. Na bei mkubwa sana. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dès aujourd'hui, tangia leo, il faut savoir que ton corps ya mwili et ton esprit appartiennent à Dieu. Ni bia mungu biote. Je n'ai pas le droit d'entrer dans le téléphone là. Na la nuit quand tout le monde dort, bantu et les gens entrent dans les sites pornographiques na bantu pour commencer à souiller mon esprit yangu, et commencer à me masturber jusqu'à éjaculer. Na kuchafua mwili yangu. C'est souiller son corps et son esprit. Ile ni kuchafua mwili yake na roho yake. Même dans les lieux secrets, Dieu te voit. Hata mufazi ya siri, Mungu anakuona. Même quand tu es seul, ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Hata wakati kupeke yako, roho yako na mwili yako ni ya Mungu. Il faut savoir que Dieu te voit. Mungu yako nakuona. Romains 2 verset 16 dit Warumi 3 16 anasema Romains 2 Warumi 2 16 il est écrit manandika c'est ce qui paraîtra ni kile kitaonekana au jour où musiku ile selon mon évangile ufatana na injili yangu Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Mungu atahukumu kupitia Yesu Kristo matendo ya siri ya watu. Tout ce que nous faisons dans les secrets, Dieu nous voit. Ile yote tunafanya musiri, Mungu anatuona. Et nous devons savoir que nous sommes le temple de Dieu. Tunapashi kujua sema tuko hekalu ya Mungu aliye hai. Atupashi kufanya ile tunataka hapa. 2 Corinthiens 6 wa Korinto wa pili verset 16 6 16. Quel rapport ni mapatano kani y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Iku katikati ya hekalu ya Mungu na masanamu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Kwani tuko hekalu ya Mungu aliye hai. Comme Dieu l'a dit, paka vile Mungu alisema, j'habiterai nitekala, et je marcherai au milieu d'eux. Natatembea katikati yao. Je serai leur Dieu. Nitakuwa Mungu wabo. Et ils seront mon peuple. Nabo watakuwa taifa yangu. C'est Dieu l'a dit. Je lis le dernier verset. Ule Mungu ule anasema, dans Actes 7, 44. Matendo wa mitume saba, makumi ine na ine. Jusqu'à 50. C'est le dernier verset, on arrête là. Ni mustari, makumi tano. Ya mustari ya mwisho. Nos pères avait au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ont reçu. L'introduisir sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Il y a Salomon qui lui bâtit une maison. Mais, alakini, le très, écoutez, hein, Mungu aliye juu, église du Dieu vivant, écoutez. Kanisa Mungu aliye hai musikie. Mais, alakini, le très haut, Mungu aliye juu, n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Ashikalake mukile kenye kuyenga mikono ya bantu. Comme dit le prophète. Paka vile nabii anasema. Je vous pose la question avant d'arrêter. Mina miuliza mbele ya kusimamisha. Ce bâtiment. Iekalu. Ce sont les mains de Dieu qui ont construit ou bien ce sont les mains d'hommes? Eti, ni mikono ya bantu iliyenga wala ni mikono ya Mungu. Le main d'homme. Ni mikono ya bantu. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Mungu ashikalake mubile benye kuyengwa na mikono ya bantu. Mais ton corps là. Alakini mwili yako ini. Ce sont les hommes qui l'ont formé ou bien c'est Dieu qui l'a formé? Eti, ni Mungu aliumba wala ni bantu waliumba. Dieu habite en toi. Jo kwa maana Mungu yako na ikala ndani yako. Parce que ce sont pas les hommes qui t'ont formé. Jo aina bantu wale bali kuyenga bali kuumba. C'est pourquoi Dieu habite en toi. Jo kwa maana Mungu yako na ikala ndani yako. Le temple du Saint-Esprit. Na mwili yako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tu dois servir ton corps là avec crainte et tremblement. Unapaswa kutumikisha mwili yako na boka na kutetemeka. Sachant que c'est le temple de Dieu. Mwenye kujua sema ni hekalu ya Mungu. C'est la vérité. Ni bya kwe. Et quand je sais que mon frère là, c'est le temple de Dieu, je le respecterai. J'aurai du respect vis-à-vis de lui. Bien aimé frère, c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, Dieu a montré à tout Israël où est l'église. Mungu alionyesha kwa Israeli yote mzima kanisa iko wapi. Parce que le temple de Salomon, Kwani, ekalu ya Salomon était construit sur le mont Morija. Et Fango Inda il la connaît. Parce bari, que nous étions avec lui là-bas. Barienga pamulima ya Morija, jundu kungo Inda ya neyua, turukwana ekule ku Israël. Et d'ailleurs, dans une semaine, Nous partirons encore. Une semaine et demie, on sera encore là-bas. Le temple était construit sur le mont Morija. Et même du vivant de Jésus-Christ, le temple était sur le mont Morija. Même après l'enlèvement, quand il sera rebâti, ce sera sur le mont Morija. Mais Dieu, Mungu, pour montrer à Israël et au monde entier que dans la nouvelle alliance il a un nouveau temple. Ya kwamba mwekalu, mwekalu jipia, ekona ekalu mupia, le jour de la Pentecôte, siku ya Pentecosta, pendant que tout Israël adorait au mont Morija, wakati ile Israël muzima watakuwa wabutu kumulima Morija, Dieu est descendu au mont Sion. Mungu alishuka pa mulima Sayuni. Parce que la chambre haute se trouve au mont Sion. Juu, chumba ya juu iko kumulima Sayuni. Dieu est descendu sur le mont Sion. Mungu alishuka pa mulima Sayuni. Il est allé inaugurer le temple du Nouveau Testament. Arienda kuanza pale ekalu ya agano jipia. Il est allé chez Caïphe. Ashikwende kwa Kaifa. Ni chez Anne. Wana kwa Anne. Il est allé là se trouver Pierre et Paul. Et plutôt Pierre et Jean et Jacques. Arienda pale pale des hommes sans Petro, instruction. Na Yohane, bantu basipu kwa kujifunza. Mais Dieu les a visités. Mungu alibatembelea. Parce qu'ils avaient reçu la parole de vérité. Alipokea neno ya ukweli. Vous aussi frères. Na mwenye bantu. Croyez et obéissez à la parole de vérité. Mwamini. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Na kuti neno la ukweli, Roho Mtakatifu itakuwa yulu yenu. Dieu est descendu sur la montagne voisine. Mungu alishuka pa mulima karibu. Sion et Morija sont des montagnes voisines. Sayuni na Morija ni milima iko karibu karibu. Tout Israël avait les yeux vers le temple. Macho ya Israel muzima walikuwa naangalia pa hekalu. Mais Dieu est descendu sur la montagne voisine. Alakini Mungu akashuka pa mulima ya pembeni. Inaugurer le nouveau temple. Kwanza hekalu mupia. C'est pourquoi tout au long du Nouveau Testament, Joko mana kadiri ya gano jipe vous ne verrez pas les apôtres mettre l'accent sur les bâtiments ici. Amutaona ba mitume kuweka mukazo ile. Mais vous avez vu, ils mettent l'accent sur l'église du Dieu vivant. Alakini wanaweka mukazo qui est le temple ya du Dieu vivant. Ya Mungu aliye hai. Reconnaissez sa frère. Mouijoua ile banduku. Et comportez-vous comme tel. Ne mujongoze kufatana na ile. Partout où vous êtes. Fazi yote mtakuwa. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Muko kanisa ya Mungu aliye. Et représentez Dieu valablement partout où vous êtes. Muonekanishe Mungu mzuri fashi yote mtakuwa. Que le Seigneur vous bénisse richement pour ce soir. Mungu amibariki sana mangaribi ya leo. Kweli, Bwana Yesu, kweli.